Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Spielmann, le pianiste rescapé du ghetto de Varsovie. En janvier 1945, quand les troupes soviétiques s'emparent de Varsovie, la capitale polonaise n'est plus qu'un champ de ruines. Hitler, avant de l'abandonner à Staline, avait ordonné de la raser. C'est dans ce décor d'apocalypse qu'un homme a surgi des décombres, en haillons, affamé, pouilleux, le regard halluciné comme venu de l'au-delà. Mais l'homme est bien vivant, et à ce titre, c'est un miraculé. Władysław Spielmann, pianiste, polonais, juif, n'a pas quitté Varsovie de toute la guerre. Alors que plus de 90% des juifs de Pologne ont été assassinés, lui a réchappé in extremis du ghetto, de la déportation avec sa famille vers Treblinka, des travaux forcés, des dénonciations, de la faim, du froid, de la solitude. Sa survie, il la doit au hasard. Une croûte de pain, de l'eau croupie, apparue quand la mort semblait avoir sonné, à la bonté de quelques personnes, polonais juifs, non-juifs et même un officier nazi. Et sans doute aussi à la musique. Après la guerre, pour exorciser ses démons, Spielmann racontera son histoire dans un livre. Mais dans la Pologne devenue communiste, comme dans celle d'aujourd'hui, il y a des vérités historiques qui ne passent pas. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Georges Minck, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un spécialiste de sciences politiques, directeur de recherche émérite au CNRS, professeur au Collège Europe à Varsovie, auteur de plusieurs livres sur la Pologne et sur l'Europe. Vous êtes d'origine polonaise. François-Xavier Szymczak, bonsoir. Bonsoir. Musicologue, producteur à France Musique. Et c'est vous qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes. Et vous êtes d'origine polonaise, vous aussi. C'est un beau plateau ce soir. Alors, l'histoire de Spielmann est devenue mondialement connue grâce au film de Polanski, le pianiste qui avait remporté la Palme d'Or à Cannes en 2002. Mais nous, nous avons choisi de la raconter, n'est-ce pas, un peu différemment, en l'élargissant à après la guerre. Est-ce que Spielmann et son livre sont très célèbres aujourd'hui en Pologne? Est-ce qu'on l'étudie, par exemple, en classe? Georges Minck, vous le savez, ça? Le livre, on ne l'étudie pas en classe. Spielmann est connu. On ne le lit pas, mais on l'écoute surtout, puisqu'il a produit énormément de chansons best-sellerisées. Et donc, il y a des gens qui savent même pas que c'est lui l'auteur de la chanson, mais on chante ses chansons. Vous le connaissiez comment? Vous l'avez connu comment? Moi, j'ai de la famille en Pologne, justement. Les premiers contacts que j'ai eus avec Spielmann, c'est justement à travers ses chansons, notamment une chanson que j'évoque dans la fiction, qui est l'autobus rouge, Czerwony Autobus, qui est encore chantonné, qui est très connu, qui a dépassé les générations. Et puis, à travers le film, évidemment, qui m'a profondément marqué à tout point de vue. Alors, l'histoire que je vais raconter commence le 23 septembre 1939, quand les Allemands entrent dans Varsovie. Pouvez-vous nous rappeler, Georges Minck, comment la guerre a débuté en Pologne, donc en septembre 1939, au début du mois? La guerre a d'abord débuté par un accord entre les deux puissances qui encerclaient la Pologne, l'Allemagne nazie et la Russie de Staline, soviétique, le pacte Ribbentrop-Molotov. Et cet accord consistait en un partage de la Pologne, la partie occidentale de la Pologne revenant aux Allemands et la partie orientale aux Soviétiques. Et entre ces deux puissances se trouvait aussi la minorité juive polonaise. Il faut rappeler que sur les territoires polonais d'avant-guerre, qui n'est pas tout à fait la Pologne d'aujourd'hui, il y avait 3 millions de juifs, avec une diversité très très grande, et qui d'ailleurs, c'est peut-être intéressant de le dire, lorsque les Allemands attaquent la Pologne, les juifs et les polonais sont ensemble dans un mouvement patriotique à défendre la Pologne. Les choses se dégraderont très vite. Est-ce que les juifs, à ce moment-là, en Pologne, sont des citoyens comme les autres? Ils sont les citoyens comme les autres, mais il y a en Pologne, d'entre-deux-guerres, une vague d'antisémitisme animée par des courants politiques, dont un plaide même pour l'élimination des juifs, pas au sens extermination physique, mais expulsion de la Pologne. Il y a un projet fantasmagorique de renvoyer tous les juifs polonais au Madagascar, par exemple. Il y a donc beaucoup de tensions en Pologne entre la minorité juive, notamment l'intelligentsia juive, et ce courant nationaliste. François-Xavier Tchemchak, qui est Władysław Szpilman en 1939? C'est déjà un pianiste classique, connu en Pologne, à Varsovie. Connu, oui, parce que depuis plusieurs années, il travaille à la radio, à Polskie Radio. C'est un pianiste de formation très, très solide. Il a été notamment l'élève d'Arthur Schnabel, qui est une des grandes légendes du piano au XXe siècle. Allemand. Et pianiste également compositeur. Il a reçu des leçons également en Allemagne de Franz Schreker. Et il écrit pour le cinéma. Il a écrit des musiques de films. Et c'est un pianiste qui vient d'une famille de musiciens. Son père était violoniste professionnel également, Samuel Szpilman, qui a même été premier violon à l'opéra de Katowice, puisqu'il est né à Sosnowiec, plutôt dans cette partie de la Pologne. Donc un pianiste confirmé. Et il vit à Varsovie à ce moment-là. Il vit à Varsovie avec ses parents. Et d'ailleurs, c'est plutôt lui le moteur économique de la famille. C'est lui qui fait vivre la famille. Et ce sera également le cas pendant la guerre. Georges Minck, François-Xavier Tchemchak, on se retrouve dans une trentaine de minutes, tout de suite. Szpilman, le pianiste rescapé du ghetto de Varsovie, un texte de vous, François-Xavier Tchemchak, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Aussire. Dans 2 minutes. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ça. Antenne dans 2 minutes. Respire. Premier accord, main gauche, do dièse. Main droite, mi, sol dièse, do dièse. Tu plaques l'accord et c'est parti. Respire. Combien de fois j'ai joué ça avant la guerre? Je l'ai même joué sans trembler devant le capitaine. Antenne dans 1 minute, Voidek. Qu'est-ce qu'on gèle ici? Et ce piano, une véritable ruine. Comme cette ville. Allez, mon pauvre piano. Tu t'accroches à moi, je m'accroche à toi. Et tout ira bien. Et dire que Chopin a dédié ce morceau à sa sœur. Aujourd'hui, c'est pour vous, mes sœurs. Regina, Alina, que je vais jouer. Et pour toi, Henri, mon frère. Mes chers parents. Que les ondes vous parviennent. Je vais jouer pour vous et pour toute la Pologne. Enfin, pour ceux qui ont encore un poste de radio. Et maintenant, arrête de cogiter. Laisse parler tes mains. Je le sens, elles se réchauffent. Je leur dois presque tout à ces deux mains. Je peux leur faire confiance. Chers auditeurs, ici Varsovie. Vous écoutez un programme de Polskie Radio. La Pologne n'est pas morte tant que nous vivons. Et c'est la musique de Chopin qui nous parle maintenant. Voilà, c'est à moi. 3, 4... Varsovie, février 1945. Le pianiste Władysław Szpilman, que ses proches appellent Władek, joue en direct sur Polskie Radio le 20e nocturne en do dièse mineur de Chopin. C'est le grand retour de la radio polonaise à Varsovie, dans des locaux provisoires. Les Allemands ayant confisqué une grande partie des postes de réception, l'audience est encore limitée. Mais l'émission est historique. C'est aussi le grand retour de la musique de Chopin, interdite par les nazis et jouée clandestinement sous l'occupation comme symbole de la conscience polonaise. Enfin, pour Szpilman, c'est le grand retour devant un micro. La dernière fois, il s'en souvient, c'était le 23 septembre 1939. Ce jour-là, au milieu des bombes, il s'était rendu au siège de la radio pour jouer en direct un ultime récital. La Pologne et son armée nationale étaient en train de s'effondrer, attaqué à l'ouest par les Allemands et à l'est par les Soviétiques. Le maire de Varsovie se rendait quotidiennement à la radio pour parler aux habitants, apaiser leurs angoisses et soutenir l'effort de guerre. Le directeur de la radio et une grande partie du personnel s'étaient enfuis. Ne restaient plus que quelques techniciens, le directeur de la musique, Edmund Rudnitsky, et Szpilman, qui, malgré les bombardements, a réussi à rejoindre la radio. Tu as vu Edmund ? Devant la porte d'entrée, il y a 3 cadavres. Ah, te voilà. C'est bientôt à toi de jouer, Władek. Dépêche-toi et entre au studio. On a des nouvelles du grand patron? Il n'y a plus de grand patron. Le grand patron, c'est moi maintenant. Tu parles d'une promotion. Ils ont détalé comme des lapins. Heureusement, le maire est encore là. Je l'ai croisé tout à l'heure. Il était livide, on aurait dit un fantôme. Qu'est-ce qu'il a annoncé ? Une bonne nouvelle, mais surtout plein de mauvaises. La bonne, c'est qu'un général allemand s'est fait descendre hier soir par les nôtres au bord de la Vistule. C'est le deuxième en 15 jours. Côté mauvaise nouvelle, la ville de Lvov vient de tomber. Les Russes et les Allemands ont fait ça main dans la main. Il paraît qu'ils défilent ensemble pour fêter leur victoire. Tout est foutu maintenant. Mais il reste les Anglais, les Français. Il paraît qu'ils ont traversé la ligne Siegfried. Tu te fies encore à ce qu'on dit ? On nous avait dit aussi que l'armée allemande était sous-équipée, qu'ils n'avaient aucune chance contre nous. Mais c'est vrai, les Anglais et les Français, on peut toujours les attendre. Écoute Edmund, ce qu'on a de mieux à faire pour l'instant, c'est donner un peu de réconfort aux auditeurs, à défaut d'espoir. Ça les changera des marches militaires ou de l'hymne national joué en boucle. Ordre du haut commandement. Mais bon, pour ce qu'il en reste du haut commandement, le piano t'attend, Wodeck. Et il nous reste encore un technicien. Allons-y. Je vais jouer du Chopin. Ce serait bien l'heure de la marche funèbre. Ah non, certainement pas. Je vais jouer le Chopin qui soutenait la Pologne contre les Russes. Avec des canons sous les fleurs, comme disait Schumann. Quelques heures après ce récital, ce sont des canons allemands qui détruisent le principal émetteur de la radio. Les troupes d'Hitler entrent dans Varsovie 6 jours plus tard, le 29 septembre 1939, et les autorités polonaises partent en exil à Londres. Dès le mois d'avril 1940, le Troisième Reich met en place le ghetto juif de Varsovie, dans lequel se retrouve enfermée la famille Spielmann, au milieu de 400 000 habitants confinés dans 3,5 km². Spielmann fera vivre les siens en jouant dans des cafés du ghetto, où se rassemblent encore quelques privilégiés, tandis que dans les rues, les plus misérables meurent de faim. Mais riches ou pauvres, tous peuvent être victimes d'exécutions sommaires. À l'été 1942, les trois quarts de ses habitants sont déportés vers le camp d'extermination de Treblinka. Parmi eux, les parents, les deux sœurs et le frère de Spielmann. Miraculeusement écarté du convoi par un membre de la police juive, Spielmann ne reverra jamais les siens. Il est enrôlé dans une équipe de chantier, ce qui lui permet de faire transiter dans le ghetto quelques armes pour la résistance juive. Il parvient ensuite à s'en échapper le 13 février 1943, aidé par plusieurs Polonais, dont son ami Edmund, l'ancien directeur de la musique à la radio. Spielmann devra désormais survivre à Varsovie, occupé par les Allemands, ballotté d'une cachette à l'autre. Mon Dieu, un lit ? J'avais oublié ce que c'était. Un simple lit de camp, mais c'est un lit. Fini les sols gelés ou les tas de gravats. Et ce calme. Pas de hurlement des SS, pas de coups de poing, pas de cravache. Mais j'ai tellement faim. Il faut que je repense à la sonate. Il faut que je m'en rappelle. Mi, sol, sol, la. Non. Alors, commence-toi. Alors, finale, presto, 5 bémols à la clé. Qu'est-ce que c'est ? Allez, c'est le mot. Konitsky. Edmund. Mon Dieu, Wodeck, tu es vivant. Il semblerait que oui. Fais attention, on entend le son de ta voix derrière la porte. J'essayais de me souvenir du final de la deuxième sonate de Chopin. Tu sais, juste après la marche funèbre. Comment se fait-il que tu sois là ? Tu es seul ? Piotr Berkovski est le propriétaire de cet appartement, tu sais ? Oui, j'ai même trouvé certaines de ses compositions dans le KGB. Eh bien, c'est lui qui m'a signalé ta présence. Tu vis là depuis combien de temps ? 15 jours. Écoute, Berkovski m'a dit que tu ne peux plus rester ici, car il est obligé de trouver un locataire officiel. Les Allemands veulent recenser tous les habitants de l'immeuble. Alors j'ai une autre solution à te proposer. C'est un couple sans enfants qui habite tout près dans un rez-de-chaussée. Le type est ingénieur, pas souvent chez lui. Il m'attend en bas. Mais tu es sûr qu'ils ne vont pas ? J'ai toute confiance en eux, tu peux me croire. Et tu les connais d'où ? Par le cercle des musiciens polonais, un réseau dont fait partie sa femme. Elle est pianiste elle aussi, tu verras, il y a même un piano chez eux. Tu fais donc partie d'un réseau ? Écoute, j'ai pas le temps de t'expliquer et nous devons rester discrets, toi surtout. T'as de quoi te raser ? Parce que si on te voit comme ça dans la rue, on va te prendre pour un... Pour un juif ? Dépêche-toi, Wodeck. On t'attend en bas, à 100 mètres de l'immeuble. Tu mettras cette casquette sur la tête. Dès que tu nous vois, tu marches, tête baissée, sans nous approcher. Et surtout, sans nous perdre de vue. Au bout d'un moment, moi, je prendrai une autre direction. Et toi, tu continues à suivre mon ami. Compris ? Allez, j'y retourne. Dépêche-toi. Attends, 2 secondes. Edmund, D'ici, je n'ai aucune nouvelle du front. C'est confirmé pour Stalingrad? Les Russes ont gagné? Oui. Les Russes ont définitivement gagné la bataille. Et comment ça se passe dans le ghetto? C'est David contre Goliath. Des combattants juifs ont réussi à empêcher les dernières rafles, mais on dit que les nazis veulent tout détruire. T'as bien fait d'en sortir, Voidek. Maintenant, fais vite. On t'attend en bas. Après un mois de soulèvement du ghetto juif, ses 50 000 derniers habitants sont déportés au printemps 1943. De l'autre côté de la ville, la clandestinité de Spielmann va continuer pendant près de 2 ans. Lui qui a miraculeusement survécu au bombardement, au ghetto, aux rafles, aux coups de matraque, aux travaux forcés, il doit maintenant affronter la famine, le froid et la destruction de la capitale, changeant sans cesse de cachette. Edmund Rudnitsky fait alors partie de la résistance non communiste polonaise, Armia Krajowa, l'armée du pays. Ce mouvement de 400 000 membres met en place de nombreuses actions contre les occupants et permet de sauver près de 100 000 juifs, parmi lesquels Władysław Szpilman. Après avoir aidé le soulèvement du ghetto, Armia Krajowa organise la grande insurrection de la ville d'août à octobre 1944. Staline refuse de soutenir cette armée secrète dont le contrôle lui échappe. Et lorsque ses troupes arrivent en septembre 1944 à l'entrée de Varsovie, il leur ordonne de ne pas intervenir pendant l'insurrection. Staline laisse ainsi les Allemands décapiter cette résistance qui aurait pu faire de l'ombre aux Soviétiques. Après l'écrasement de l'insurrection et sous les yeux de l'armée rouge, Hitler fait détruire méthodiquement un tiers de la ville encore habitée par les Polonais. Caché au dernier étage d'un immeuble que les SS bombardent au canon puis incendient, Spielmann n'a désormais plus d'espoir. Je vais quand même pas sauter par la fenêtre et leur tomber dans les bras du 4e étage. Comment réussit-on un suicide? Même Schumann a raté le sien. J'ai jamais tué personne, mais c'est sûrement plus simple que de se tuer soi-même. Me mettre à la corde au cou? Elle était prête l'autre jour, quand j'ai entendu les SS. Et puis finalement, ils sont pas venus. Cette corde, je la sens encore sur ma peau. Je peux pas faire ça. Mais finir brûlé vif, c'est pas possible. Ma famille. Comment sont-ils morts là-bas, à Treblinka? Il n'y a plus qu'une solution, les somnifères. 7 comprimés, ça devrait suffire avec le reste de la bouteille d'opium. 7. Le pianiste va jouer sa toute dernière gamme. Affamé depuis des jours, Spielmann s'endort avant d'avoir pu avaler son opium et il se réveille indemne dans un immeuble calciné. Sa survie de Robinson Crusoe se poursuit dans une Varsovie en ruine, mais toujours occupée par les Allemands. C'est alors qu'au glacial mois de décembre 1944, dans un immeuble désaffecté, Spielmann, en cherchant de la nourriture, va faire une rencontre déterminante pour sa survie. Faites que ce soit derrière cette porte. Oui, oui, c'est là, la cuisine. Je le savais, c'est la cuisine. Du calme, pas de bruit. De l'eau. Ah, c'est infect. Encore pire que dans la baignoire. Marmite, casserole, vide. Et là... Il reste plus qu'un placard. Laisse-moi deviner ce qu'il y aura dedans. Des verres vides, des livres de recettes, des menus de restaurant. Oh, mon Dieu. De la farine, du sucre, de la confiture et des boîtes. Haricots d'Espagne, le soleil dans votre assiette. Oh, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous fabriquez ici, vous? Que faites-vous là? Je suis mort. Vous ne savez pas que l'état-major des forces spéciales de Varsovie doit s'installer dans ce bâtiment, d'un jour à l'autre? Faites ce que vous voulez de moi. Je ne bougerai pas d'ici. Je n'ai pas l'intention de vous faire quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis seulement que vous ne pouvez pas rester dans cette cuisine. Une 50aine de soldats vont investir les lieux et la plupart d'entre eux sont très nerveux en ce moment. On pourrait vous descendre en un rien de temps. Vous êtes un habitant de l'immeuble? Un locataire? Le gardien? Votre métier à vous, c'est quoi? Je suis pianiste. Pianiste? Il y a un piano juste à côté. Venez. Venez jouer quelque chose. Vous inquiétez pas, je vous assure. Si quelqu'un vient, vous irez vous cacher dans le garde-manger et je dirais que c'est moi qui voulais l'essayer, ce piano. Hein? C'est un piège. Ce type est un sadique. C'est sûr. Il veut me donner une fausse joie. En même temps, c'est la première fois que je vois un soldat allemand qui me parle. Qui semble me parler avec respect. Avec sincérité. Mais sur son uniforme, la petite croix gammée est bien là, avec l'aigle posé dessus. Et son grade, Hauptmann, capitaine. Un véritable être humain en uniforme allemand, ça pourrait donc exister. Scène hallucinante dans ce décor de fin du monde. À la demande de cet inconnu, Spielmann, en guenille et affamé, joue de nouveau le 20e nocturne en do dièse mineur de Chopin sur un vieux piano, lui aussi rescapé de guerre. Cet inconnu va ensuite lui trouver une meilleure cachette dans cet immeuble délabré et pendant plusieurs jours, il va lui apporter des vivres. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Même pour nous, l'approvisionnement devient difficile. Hein. Merci, capitaine. Prenez le temps de mâcher. Comment vous sentez-vous ? Je suis très froid. Surtout la nuit. La prochaine fois, je tâcherai de vous apporter une couverture. Et un de mes manteaux militaires, pourquoi pas. Bientôt, je n'en aurai plus besoin. L'essentiel, c'est que vous ne bougiez pas d'ici. En fait, je ne vous ai pas demandé, comment se fait-il que vous parliez si bien l'allemand ? J'étais à Berlin pendant 2 ans, dans la classe d'Arthur Schnabel. Schnabel ? Vous connaissez ? Oui. Ah oui. Je suis organiste. Un petit organiste amateur, mais Schnabel. Je sais que c'est un grand nom. Un génie du piano. Il a enregistré tout Beethoven, c'est exceptionnel. En 33, il a dû quitter Berlin, comme moi. Et il est parti à Londres, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il est juif, lui aussi ? Oui, lui aussi. Il est juif. Vous êtes marié ? Vous avez des enfants ? Non. Heureusement. Et vous avez des parents ? De la famille ? On les a transportés dans un camp, à l'est de Varsovie. Tous ? Ouais. Je voulais rester avec eux, mais quelqu'un m'a retiré du convoi qui nous emmenait vers le train. Je leur ai fait signe, et puis... Et puis je me suis enfui. Bientôt tout ça sera fini. Les Russes sont tout prêts. Vous devez tenir bon. Vous serez bientôt au piano devant votre public, et moi, je serai bientôt avec ma femme et mes enfants. Je vous le souhaite. Dites-moi, d'après mon petit calendrier, nous sommes le 5 décembre 44 aujourd'hui. C'est bien ça ? Oui. Pourquoi ? Ah ben, c'est mon anniversaire. Je suis en train de savourer mon gâteau d'anniversaire. Vraiment ? Alors, bon anniversaire. Quel âge avez-vous ? 33 ans. L'âge du Christ pendant son calvaire. Et vous êtes juif, comme lui. En plus, vous lui ressemblez avec cette grande barbe. Mais rassurez-vous, je suis certain que vous vivrez plus longtemps. L'officier allemand a raison. Les soviétiques prennent le contrôle de Varsovie en janvier 1945. Les Allemands fuient et les Alliés remportent la victoire sur le Reich au mois de mai. Spielmann reprend son activité à Polskie Radio, désormais aux mains des soviétiques. Il ne connaît toujours pas le nom de celui qui l'a sauvé. Mais un de ses amis lui apprend qu'il a croisé le capitaine allemand dans un camp de prisonniers non loin de Varsovie. Le capitaine lui a parlé de Spielmann, mais n'a pas eu le temps de lui dire son nom. Lorsque le pianiste se rend un peu plus tard sur les lieux, le camp a été évacué. Pendant ce temps, Staline réorganise le pays en éliminant ce qui reste de l'Armia Krajowa. C'est sur l'armée du peuple, la communiste Armia Ludowa, ou AL, que Moscou va s'appuyer pour mettre au pouvoir ses propres hommes. AL contre AK. Une nouvelle Pologne est en train de naître. En février 1945, juste après son retour à l'antenne, Spielmann retrouve Edmund Rudnitsky, son ancien collègue qu'il avait secouru au péril de sa vie. Oh, ce café de blé, c'est vraiment écœurant. Quand je pense à ce qu'on buvait avant la guerre, les cocktails qu'on faisait à la radio. Et toi, Edmund, qu'est-ce que tu as fait quand la radio s'est arrêtée ? Tu m'avais parlé d'un réseau. AK, Armia Krajowa, la résistance. J'étais au service des transmissions, nom de code Konopka. Konopka, ça sonne bien. Je préfère rester discret là-dessus. Pas mal de mes compagnons d'armes ont eu des ennuis avec les rouges. Je tiens ma peau au Wadek. Alors regarde ça pour toi, s'il te plaît. T'inquiète pas, je dirai rien. Tu peux me faire confiance. De ma cachette, j'ai vu plusieurs de vos combats. C'était admirable. Ouais. Et aujourd'hui, on se fait accuser de trahison par des types qui ont laissé les Allemands nous massacrer. Bah, n'en parlons plus. En fait, te voilà responsable de la musique légère à la radio. Belle promotion. Félicitations. Ouais, je vais m'occuper des chansons populaires. Je suis ravi, j'adore ça. C'est pas du Beethoven, mais un peu de légèreté après toutes ces souffrances. Ça fait du bien. Et dois-je te vous voyez, monsieur le directeur Spielmann? Ou bien dois-je vous appeler camarade pianiste? Appelle-moi Wodeck, comme toujours. Je suis content de te retrouver, Wodeck. Et bravo pour hier. C'était très émouvant de t'entendre à nouveau dans la TSF. Ça grésillait pas mal, mais je trouve qu'il y avait beaucoup de profondeur et de mélancolie dans ce nocturne. J'ai pensé à tout un tas de choses pendant que je jouais. D'abord à ma famille, et puis à la statue de Chopin dans le parc Wojcicki. À toute cette ville morte, à toutes ces ruines. Figure-toi que ce nocturne, je l'ai joué il y a peu de temps, devant quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Devant un membre du réseau? Non, devant un Allemand. Spielmann raconte son histoire à Jerzy Waldorf, musicologue et journaliste polonais, qui donnera forme à son récit dans un livre publié en 1946 sous le titre « La mort d'une ville ». Mais la censure le fait retirer de la publication au bout de quelques mois. Il faut dire que Spielmann y évoque des Juifs, des Lituaniens, des Ukrainiens, des Polonais ou des Russes, comme le général Vlassov, collaborant avec les Allemands, ce qui n'entre pas du tout dans le cadre de l'histoire officielle. Le livre aura malgré tout de nombreux lecteurs à sa sortie, parmi lesquels une étudiante en médecine, fille du maire de Radom et qui porte le même prénom qu'une des sœurs de Spielmann, Alina. Elle a 16 ans de moins que lui et deviendra bientôt Madame Spielmann. Voilà, c'est ici, 223 allée de l'Indépendance. Dans ce gros tas de pierres. Ouais, Alina, ce gros tas de pierres, il n'y a pas si longtemps, c'était un immeuble truffé d'Allemands. J'étais tout en haut dans le grenier. Une excellente cachette. C'est le capitaine qui l'avait trouvé pour moi. Allons-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Prends de la hauteur. Viens. Il reste un morceau d'escalier. Oh. Alina, fais attention. L'immeuble peut s'effondrer à tout moment. Faut être bien, je te dis. Qu'est-ce que tu me fais faire? Tu reconnais l'endroit? Oui, non. Il me semble que c'est ici que les Allemands avaient stocké leurs armes. Tiens, là, il y a toujours la baignoire qui avait été remplie d'eau. Pour les incendies, elle aussi, elle m'a sauvé la vie. Et les boîtes de conserve? Ouais. C'était là, dans cette cuisine. Enfin, ce qu'il en reste. L'officier allemand était dans ce coin-là quand je l'ai vu pour la première fois. Je veux voir ta cachette. Alina, c'est dangereux. Attends-moi. C'est au quatrième. Attention. Viens. Voilà. Nous y sommes. C'est incroyable. On voit toute la ville. Les arbres en face, c'est le parc Wojcicki. Ouais. Et la vieille ville est tout là-bas, sur la gauche. Et les grues de la reconstruction. Ne te penche pas trop. Oui, papa. Excuse-moi, j'ai pas envie de te perdre. Tu ne me perdras pas, Wodeck. Pas moi. Tu es toute belle avec ce panorama. Merci. Dommage qu'il y ait ces horribles gros blocs de béton. Eh oui, il faut bien reloger les gens. Toutes ces ruines qui restent encore à dégager. Mon Dieu, tu as vu l'affiche en bas? Bon anniversaire au généralissime Staline pour ses 70 ans. Avec ses bonnes grosses moustaches. Dire que tout le monde est mort de trouille devant lui. Allez, maintenant, il faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec Edmund pour faire le bilan de l'année Chopin. Et puis avec les lauréates du concours. Elles sont mignonnes, les lauréates? Pas autant que toi. Rapproche-toi pour me le dire. Pas autant que toi. Rapproche-toi encore. Pour les mélomanes du monde entier, 1949 marque le centenaire de la mort de Chopin. Varsovie célèbre comme il se doit l'enfant du pays. Alina et Władysław se marient en 1950. Cette année-là, au mois de novembre, Spielmann va enfin apprendre le nom de son sauveur. On va mettre les vents par deux, flûte, clarinette, hautbois, basson, avec un cor anglais. Non, pas de cor anglais. Wadek, excuse-moi. Quelqu'un m'a remis ça pour toi en bas de l'escalier. Il voulait te voir. Je lui ai dit que tu étais en train de composer. Alors il m'a demandé de te le remettre en main propre. Quelqu'un que nous connaissons ? Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais il m'a dit que c'était très important. Montre-moi. Pour Monsieur Spielmann, de la part de Léon Warm Warczynski. Connais pas. Cher monsieur, je vous écris en mon nom et à la demande de la famille du capitaine de la Wehrmacht, Wilhelm Rosenfeld, qu'apparemment vous avez bien connu pendant l'occupation. Je suppose que Monsieur Rosenfeld a beaucoup contribué à votre survie, comme à la mienne, comme à celle d'autres Juifs et d'autres Polonais. Tandis que je vous écris, Monsieur Rosenfeld est en captivité chez les Soviétiques. Il a régulièrement mentionné votre nom dans ses lettres de prison, a demandé à sa famille de se tourner vers vous pour avoir de l'aide, mais malheureusement, il n'avait pas votre adresse. Dieu, Wadek, c'est ton capitaine. Et regarde, il y a une photo de lui dans l'enveloppe. Wilhelm Rosenfeld. Ce capitaine allemand, ancien instituteur, fervent catholique, marié, père de 5 enfants, blessé lors de la Grande Guerre, fut partisan du national-socialisme en 1933. Responsable des équipements sportifs pour les soldats à Varsovie, il a appris les rudiments de la langue polonaise et communié à la messe en uniforme au milieu des Varsoviens. Il témoigne dans son journal intime de sa compassion envers les habitants, juifs et non-juifs, de son effroi devant les atrocités et même de sa honte d'être allemand. Spielmann tente de lui venir en aide en faisant appel à l'éminence grise du régime polonais, un certain Jakub Bermann, qui a passé la guerre en URSS en côtoyant Staline et qui organise la propagande ainsi que la police secrète polonaise. Personnage redouté et détesté par une grande partie de la population, Bermann reçoit Spielmann dans son bureau fin 1950. Voulez-vous une petite part de gâteau ? C'est une vousetka, un gâteau est-ouest. Un pâtissier l'a conçu pour célébrer la grande route que nous avons construite à Varsovie, d'est en ouest. Merci, mais j'ai des problèmes de digestion depuis le gâteau. Je dois suivre un régime spécial. J'imagine que vous êtes conseillé par votre jeune épouse Alina. Étudiante en médecine, n'est-ce pas ? Sa fiche indique « Née en 1927, fille du maire de Radom ». Elle fait de la politique, comme papa ? Oh non, pas du tout, je vous assure. Elle n'est pas du tout... Détendez-vous, camarade Spielmann. Et dites-moi ce qui vous amène. Je viens de recevoir une lettre. Elle m'a révélé l'identité d'un soldat qui m'a aidé pendant ma clandestinité. Oui, je me souviens. Il en était question dans votre bouquin. Un soldat allemand, c'est ça ? Allemand ou peut-être autrichien. Autrichien, comme Hitler. Cette lettre indique qu'il est en captivité en URSS, peut-être en Biélorussie. Il s'appelle Wilhelm Rosenfeld. Wilhelm, c'est le diminutif de Wilhelm. Très bien. En quoi ça me concerne ? Il a sauvé des juifs, comme l'a fait votre frère. Vous pourriez peut-être en parler avec lui. Laissez mon frère en dehors de tout ça. De toute façon, après avoir aidé tous ces juifs à partir en Israël, il vient de s'y installer. Vous voulez le rejoindre là-bas ? Non, monsieur Bermann. Camarade Bermann. Serait-il possible de connaître le lieu de détention de Rosenfeld ? Éventuellement de demander sa grâce. On dit que vous avez l'oreille de Staline. Il y a de nombreux témoignages en faveur de Rosenfeld. Je vous assure, j'étais en train de mourir de faim et il m'a nourri. Vous preniez la nourriture d'un Allemand et aujourd'hui vous ne voulez pas de mon gâteau. Vous savez, j'aime bien vos petites chansonnettes, Spielmann. Surtout l'autobus rouge, c'est très sympathique. Et vous savez pourquoi ils sont rouges, nos autobus varsoviens ? Il me semble que le constructeur est français, la marque Chausson, je crois. C'est exact. Nos bus sont fabriqués en banlieue parisienne, la banlieue rouge. Mais ce rouge-là, camarade Spielmann, c'est aussi le souvenir du sang versé par la faute des Allemands et de leurs complices fascistes. Ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Et c'est rouge aussi comme l'espoir d'un pays neuf, débarrassé de ses éléments nocifs. Bien, votre histoire de sauveur de la Wehrmacht, ça ne colle pas du tout avec ça. Je vais me renseigner et je vous tiendrai au courant. Fermez la porte en sortant. Merci, camarade. Spielmann ignore donc le lieu de détention du capitaine Hosenfeld, transféré en URSS. Là-bas, tout comme en France, des milliers de soldats allemands sont condamnés à des travaux forcés. À Varsovie, fin 44, Hosenfeld avait dû intégrer une unité de combat. Arrêté par l'armée rouge en janvier 45, il passa quelques semaines dans un camp en Pologne. Ensuite, il vécut 4 années de détention en Biélorussie, où il put apprendre le russe. À Minsk, en 1950, on l'a condamné à 25 ans de travaux forcés. Depuis, il est emprisonné et torturé dans un lieu lourdement chargé de symboles, Stalingrad, le site de la bataille qui coûta la vie à près d'un million d'hommes. Son lieu de détention, le camp numéro 108. Capitaine Hosenfeld, debout. Le courrier. Un paquet en provenance d'Allemagne de l'Ouest, ça devrait vous plaire. Quelqu'un a ouvert. Évidemment, quelqu'un a ouvert. Comme d'habitude. En quoi ça vous étonne? Je veux dire, cette boîte de conserve a été ouverte. Elle est à moitié vide. Et je sais pas. Je suis pas responsable de la fouille du courrier. Et on n'a pas la chance de recevoir des colis aussi garnis que les vôtres. Tout le monde a faim ici. Et pas seulement les prisonniers. Sergent Liukov, j'aimerais vous demander encore des feuilles de papier pour écrire à ma femme. Chaque prisonnier reçoit la quantité réglementaire. Et dépêchez-vous. Départ au chantier dans 30 minutes. Enfin, sergent, je peux à peine marcher. Ce sont les ordres. Vous êtes militaire, vous devriez le savoir. Vous avez détruit Stalingrad. Maintenant, il faut reconstruire. Molotov a dit que pas un prisonnier allemand ne serait libéré tant que cette ville ne sera pas debout. Il faut payer ce que vous avez fait. Je vous répète que je n'ai jamais combattu en Russie. J'étais en Pologne et j'ai protégé des dizaines de personnes. Et puis, je n'ai pas de nouvelles de ma demande de grâce. Pourriez-vous... Ça suffit maintenant, Zenfeld. J'ai vu mourir trop de mes camarades pour me laisser attendrir par un hitlérien. Départ au chantier dans 30 minutes, sinon c'est le mitard. Et la prochaine fois, c'est moi qui bouffe toute la boîte. Pendant ce temps, en Pologne, au début des années 50, Jakub Bergman contrôle le scénario d'un film inspiré des récits de Spielmann. Ce film de propagande, intitulé « La ville indomptée ou le Robinson de Varsovie », n'est qu'une caricature idéologique de ce livre. D'ailleurs, le nom de Spielmann ne figure pas au générique, ni celui de Czesław Miłosz, futur prix Nobel de littérature, qui a contribué au scénario, mais qui sera révolté par les modifications de la censure. C'est par téléphone que Jakub Bergman donne au pianiste des nouvelles de son sauveur. C'est tout ce que je peux vous dire. Et comprenez que je ne peux pas aller plus loin. Je comprends bien, camarade Bergman, mais si l'ambassadeur soviétique... Je vous dis que c'est en dehors de ma juridiction. Il n'y a rien à faire, voilà tout. Mais je pensais que... Écoutez-moi, Spielmann. Je vous conseille vraiment de ne pas insister. Bien, je n'insiste pas. Désolé, camarade. Et bonne journée. Mais quel bâtard. Alors ? Hosenfeld est emprisonné à Stalingrad. Mais pourquoi Stalingrad ? J'en sais rien. Bergman prétend que s'il était détenu en Pologne, ce serait différent, mais que là, ça dépasse soi-disant son autorité territoriale. Tu parles. Ce type est comme cul et chemise avec Staline. Je sais plus quoi penser. J'en arrive même à me demander si j'ai bien fait et si j'ai pas aggravé la situation de Hosenfeld. Wedek, calme-toi. Tu as fait de ton mieux. Tout ça est complètement fou. Ça me dépasse. Pendant que tu étais avec Bergman, je suis allée voir le Robinson de Varsovie. Il faut que tu vois ça. Mais il parle vraiment de moi. Le héros est comme toi, mais en plus vieux, perdu dans les ruines de la ville. Il croise un piano dans les décombres, mais il n'en joue pas. C'est un Allemand qui joue la sonate au clair de lune de Beethoven pendant qu'on massacre des Polonais. L'armée rouge aide activement la résistance pendant l'insurrection et il y a un défilé final à la gloire des soviétiques. Oh là là, n'en dis pas plus, je vois le genre. J'irai quand même le voir pour me faire une idée. Et puis après qu'on n'en parle plus. J'en ai assez de ces histoires sur la guerre, le ghetto et tout ça. Il faut regarder vers l'avenir maintenant. D'autant plus, mon chéri, qu'à l'avenir, nous ne serons plus seuls à la maison. En cette année 1951, Alina Spielmann, future rhumatologue, met au monde le premier de leurs deux fils. Un an plus tard, le prisonnier de guerre Wilm Hosenfeld meurt à Stalingrad d'une rupture de l'aorte thoracique le 13 août 1952 à l'âge de 57 ans. Il avait sauvé près de 60 personnes pendant la guerre. Pour Spielmann, une nouvelle vie commence. Bientôt 40 ans. et bientôt papa. Que se serait-il passé si on ne m'avait pas écarté du convoi et si le capitaine Rosenfeld n'avait pas été... Les cauchemars reviennent et les visages de ma famille toutes les nuits, mais il faut vivre avec. Il faut regarder devant soi maintenant, devant nous. La guerre est finie, finie. Et j'aurai toujours en moi ma plus fidèle protectrice, la musique. Maintenant, il faut vivre, jouer, chanter, protéger ma nouvelle famille. Je prie pour qu'il n'ait jamais à connaître cette peur, ces tourments, ces souffrances, cette angoisse mortelle. Le pianiste rescapé du ghetto de Varsovie de François-Xavier Szymczak avec Władysław Szpilman, Barthélemy Méridjan, Alina Szpilman, Pauline Ziadé, Jakub Berman, Antoine Mathieu, Edmund Runicki, Jean-Alain Velardo, Wilhelm Rosenfeld, Mark City, Andrei Yukov, Étienne Launay, La Voix Radio, Antoine Gouy, Bruitage, Sophie Bissans, prise de son montage et mixage, Emmanuel Armin et Manuel Couturier, assistante à la réalisation, Roman Schiban, réalisation Cédric Ossir. Dans quelques minutes, on reprend la discussion avec mes invités François-Xavier Szymczak et Georges Mink. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Measured words or thoughtless silence, which can hurt the most, which can cause the distance between two people once so close, we were so close. Just like they always do, we grew up and grew apart, found other dreams to be pursued, to be pursued. After All This Time, Michael Chapman sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Nicolas Cazot. L'histoire de Władysław Szpilman est bouleversante, sans doute parce qu'elle montre à quel point la survie pour un juif en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale ne pouvait être qu'individuelle et surtout à quel point elle a été exceptionnelle. Sur les 3,3 millions de juifs polonais d'avant-guerre, 2,9 millions ont été exterminés. Georges Mink. Oui, ceux qui ont eu le plus de chances de survivre, c'est pas tellement ceux qui sont restés en Pologne, mais c'est plutôt ceux qui sont allés à l'Est, ouais, vers l'Union soviétique. Au moment du pacte Ribbentrop-Molotov, il y a beaucoup de juifs qui décident d'aller à l'Est. Et évidemment, le régime stalinien est dur, mais ce n'est pas un régime qui tue immédiatement suivant un plan préétabli. Mais il y a eu à peu près 250 000 juifs qui ont survécu, qui sont revenus en Pologne et qui, malheureusement, pour la plupart, ont été à nouveau, alors là, victimes de l'antisémitisme polonais à proprement parler, parce que tout simplement, si on peut dire comme ça, les Polonais qui occupaient les biens juifs, les maisons juives, avaient peur du retour de ces juifs. Et donc, on a assisté à des pogroms qui sont maintenant connus. Notamment celui de Kielce en 1946. Notamment celui de Kielce qui était le véritable tournant dans cette histoire de relations polono-juives. Une des hypothèses dit que c'est peut-être une provocation des services communistes polonais, mais peu importe, c'est tombé sur un terrain extrêmement favorable d'un antisémitisme populaire. Ça s'est terminé autour de la légende du meurtre rituel. On aurait soi-disant ces juifs revenants qui ont survécu auraient attrapé un enfant chrétien polonais, utilisé son sang pour produire de la matzah, un leitmotiv très connu depuis le Moyen-Âge pour l'antisémitisme polonais. Et il y a eu une quarantaine de morts. Et à partir de ce moment-là, les restants, ces survivants, pour la plupart, décident d'émigrer définitivement en Palestine et plus tard, bien sûr, restent en Israël. Georges Mink, quel est le discours des communistes, du régime communiste, donc qui tient la Pologne à ce moment-là, à propos de l'extermination des Juifs, à propos de la Seconde Guerre mondiale? Les communistes ignorent l'Holocauste, délibérément. Ils polonisent, par exemple, l'insurrection du ghetto de Varsovie. Ils considèrent que c'est des communistes, pour la plupart, qui se sont battus pour mourir dans la dignité. Ils sont d'ailleurs sur le monument au ghetto de Varsovie, donc dans les années communistes, il y avait écrit « Ici sont morts des Polonais ». Absolument. Il n'y avait pas écrit la notion absolument. De juifs polonais. À Auschwitz aussi, ce genre d'inscription où on parlera de morts polonais. Il n'y aura pas de morts juifs là-dedans. Ouais. C'est venu beaucoup plus tard. Mais les communistes, eux, ça les arrangeait absolument pas. Ce qui les intéressait le plus, évidemment, c'est la configuration géopolitique de l'époque, c'est-à-dire l'anti-germanisme, l'anti-nazisme en permanence. Et d'ailleurs, cette émission montre ça très bien. Il était totalement impossible de parler d'un bon Allemand. Oui, c'est ça. Toute la responsabilité était portée sur absolument. Les Allemands. Même aussi si pour c'est faire un oublier... cas, évidemment... tout à fait rare, oui, bien sûr. Mais quand même existant. Et Il fallait aussi faire oublier la responsabilité soviétique dans les malheurs des Polonais. Exactement, et notamment le pacte Ribbentrop-Molotov. On ne parlait que de l'invasion nazie de l'Union soviétique. Nous, les communistes, nous avons vaincu les Allemands. Aujourd'hui, Georges Mink, des historiens polonais posent la question d'une co-responsabilité polonaise dans le génocide des Juifs. Le plus célèbre, c'est Jan Gross, avec son livre Les Voisins, paru en 2002 en France, qui raconte comment en 41, la population juive d'un village de Jedwabne a été massacrée par des voisins polonais. On sait que le parti actuellement au pouvoir, le PiS, a mis en place une politique historique visant à empêcher la diffusion de versions de l'histoire que Varsovie jugerait injuste et blessante. Est-ce que c'est l'Europe, Georges Mink, qui peut amener la Pologne à sortir de ces débats terribles? Juste avant de répondre à votre question, politique historique, c'est évidemment tout simplement l'instrumentalisation de l'histoire à la faveur de l'option que fait le pouvoir nationaliste xénophobe qui règne aujourd'hui en Pologne et qui veut construire sa propre légitimité à travers une vision d'histoire qui correspond pas à la réalité. Mais c'est vrai que l'Europe, elle, offre un cadre de réconciliation entre les Polonais et les Juifs. Mais ça doit passer forcément par un changement total de la perception de l'histoire. Ça, c'est un rôle évidemment principal des historiens. Aujourd'hui, il y a une montée en puissance d'une école historique polonaise qui justement dénonce la participation de certains Polonais. On peut pas dire les Polonais. Leur coparticipation en quelque sorte à l'Holocauste, notamment sur la façade orientale de la Pologne au moment du pacte Ribbentrop-Molotov. Vous êtes un témoin engagé, Georges Ming, puisque vous-même, vous êtes d'origine polonaise, vos parents étaient polonais, ils sont venus vivre en France, mais vous êtes retourné en Pologne également, et vous avez vécu cet antisémitisme à l'époque communiste. Alors, à l'époque communiste, je n'ai pas vraiment subi d'antisémitisme systématique. J'ai eu deux ou trois petits épisodes, parce que, il faut le dire, vous ne l'avez pas dit, j'ai des racines juives. Je pensais l'avoir dit, mais... Non, vous ne l'avez pas dit, ce qui montre bien que spontanément, on ne le dit pas en France, mais en Pologne, on le dit. Et donc, j'ai vécu effectivement cela, notamment en 1956, au moment du dégel, où la religion a été introduite dans les écoles... Religion catholique. C'est la religion catholique. Je me souviens que la bonne sœur a dit à ceux qui voulaient sortir pendant la leçon des catéchismes de sortir. Je suis sorti avec deux camarades. Et à la pause après la leçon du catéchisme, les enfants se sont jetés sur moi en criant « Tu as tué Jésus-Christ ». 20 garçons sur moi, c'était absolument terrible. Mais mon copain de classe, qui lui aussi était d'origine juive, a eu la présence d'esprit de dire « Oui, mais c'est Jésus-Christ, il était juif, vous savez. » Et là, ils se sont reculés, ça m'a permis de me sauver. Ouais. Mais j'ai vécu ce genre d'épisode plutôt rarement. J'étais entouré d'amis polonais absolument pas antisémites. Voilà. Ouais, l'histoire est complexe. François-Xavier Szymczak, Władysław Szpilman va avoir une longue vie sous le règne communiste, et même après, puisqu'il va mourir en 2000, il va avoir une vie plutôt heureuse. Musicien, une vie de famille. Oui, une vie à la radio, une vie de famille avec deux enfants qui sont encore vivants aujourd'hui, qui témoignent d'ailleurs, surtout le deuxième fils fait beaucoup pour la mémoire de son père. La veuve Szpilman est toujours vivante, elle témoigne encore aujourd'hui à la radio, à la télévision polonaise. Et j'écoutais attentivement ce que disait Georges Mink, et effectivement, il faut rappeler absolument ces événements comme Kielce en 46, qu'on peut pas parler de Jedwabne en 41. Moi, je voulais aussi montrer dans ce documentaire l'existence de Jegota, par exemple, qui est une organisation de l'Armia Krajowa qui a permis de sauver énormément de juifs. Et rappeler, comme le fait Wolf Biermann dans la postface du livre de Szpilman, qu'un tiers des noms sur le monument d'Yad Vashem des Justes sont des Polonais. Vous savez qu'il est question aujourd'hui de nuances dans l'histoire. Donc il faut et nuancer Jan Karski, ce que... qui a Jan Karski, tenté d'alerter le monde occidental. Et qui est rentré dans le ghetto, qui a témoigné. Voilà, Irena Zendler, il y a beaucoup de noms également de gens qui ont sauvé des juifs. Et le Szpilman, évidemment, en témoigne. Donc Szpilman, après la guerre, s'est fait connaître par ses chansons, et puis également par la création du festival de chansons de Sopot, qui est connu encore aujourd'hui. Merci beaucoup François-Xavier Szymczak de nous avoir rappelé donc la force de la musique à travers l'histoire de Szpilman. On peut vous écouter tous les jours sur France Musique dans votre émission Arabesque de 14h à 16h. Et merci Georges Mink, vous êtes l'auteur notamment de La Pologne au cœur de l'Europe de 1914 à nos jours, paru chez Buchet-Chastel. Et je signale que la revue Esprit de mars est consacrée à la Pologne d'aujourd'hui et bien sûr à lire le livre de Szpilman, Le pianiste, disponible chez Pocket. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, une autre histoire musicale, celle de la chanteuse Pauline Viardot. Enfant, elle se destinait à une carrière de pianiste, mais quand sa sœur Maria Malibran est morte tragiquement, sa mère l'a poussée à prendre la relève. Pauline Viardot, une des figures les plus marquantes de la musique du 19e siècle en Europe. La diva du romantisme, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.